إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence la partie 6 dans l'explication de la aqida de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani حفظ رحمه الله avec le sharh de Sheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله. Là où on est arrivé aujourd'hui, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dit « Wa'alam anna khayr al-qulubi aw'aha lil-khayr »« Wa'alam anna khayr al-qulub aw'aha lil-khayr » C'est-à-dire que les meilleurs cœurs, sachent que les meilleurs cœurs sont les meilleurs à comprendre le bien et à accepter le bien. Le Cheikh Al-Fawzan il explique en disant « والقلوب التي تتنبه للتعليم النافع هي خير القلوب أما القلب القاسي والقلب الذي لا يقبل التعليم فهو محروم » Et نعم. Donc les meilleurs cœurs, hein, les cœurs qui comprennent l'enseignement bénéfique, ce sont les meilleurs cœurs. Les cœurs qui prennent l'enseignement bénéfique et la science bénéfique, ce sont les meilleurs cœurs. En ce qui concerne les cœurs qui sont durs, les cœurs qui ont été endurcis par le péché et qui n'acceptent pas l'enseignement, eh bien ça, ce sont des cœurs qui ont été privés de bien. Wallahu musta'an. Et donc, le cheikh il dit ensuite, « Wa arja al-qulub lil-khayr » ما لم يسبق الشر إليه وأوفى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. Donc le cheikh explique que les cœurs qui ont le plus d'espoir par rapport au bien sont les cœurs qui n'ont pas été touchés par le mal auparavant. Donc quand les cœurs des gens sont purs, les cœurs des gens sont propres, ils n'ont pas été corrompus, ils n'ont pas été salis par le mal, ces cœurs-là sont acceptés, ils sont plus purs. Et c'est des cœurs qui acceptent plus facilement le bien. Lorsque le bien leur est enseigné, ils l'acceptent plus facilement. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, « Hey, أرجى القلوب للخير ما كان خاليا من الشر الذي لم يوجه توجيها سيئا وفي وقتنا الحاضر الذي لم ينشغل بهذه المحدثات في هذا الوقت في وقتنا الحاضر الذي لم ينشغل بهذه المحدثات وهذه الآليات التي تجلب الشر من الإذاعات والتلفزيون والإنترنت وغير ذلك من البلاء الذي انفتح على الناس صار بيد الطفل والطفلة وبيد كل أحد فهذه وسائل شر سبقت إلى قلوب الشباب ولا يمكن بعد ذلك صرف الشباب عنها ولكن لو منعت منها في الأول صارت قلوبهم قابلة للخير خالية من الشر فيجب ملؤها بالخير وإبعادها عن الشر قال الشاعر عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. Donc le cheikh il explique que les cœurs qui n'ont pas été touchés préalablement par le mal, eh bien ce sont les meilleurs cœurs, les cœurs dont yani les cœurs qui ont plus d'espoir du bien. Et par rapport au bien, et il dit que à notre époque, les gens ont été tellement affectés par toutes sortes de différents moyens de différents moyens de yani de communication et de distraction que yani ils ont malheureusement été en contact avec beaucoup de mal parfois et ils ont été distraits par toutes ces nouvelles innovations et nouvelles inventions. Allah al-musta'an. Et il donne l'exemple des nouveaux appareils, des appareils radio, des appareils de télévision, des appareils d'internet. Il dit tout ça, yani, c'est parmi les choses qui ont ouvert la porte à du mal, yani, pour beaucoup de gens. Même des petits-enfants, tu les vois avec ces appareils parfois. Et yani, c'est dans les mains de tout le monde. Et il dit ça, ça peut être des moyens de mal. Hein, ça peut être des moyens vers le mal. Et les gens qui n'ont pas été touchés par ces différents moyens-là, hein, eh bien pour eux c'est plus facile de se préserver, de se garder, et leur cœur est plus propre, tandis que ceux qui ont été affectés par ça, eh bien une fois qu'ils ont grandi, ben tu peux pas les détourner de ça, ils sont habitués après, et donc ça devient ils deviennent attachés à ces choses-là. Et donc s'ils avaient été privés de ces moyens depuis le début, eh bien leur cœur aurait accepté le bien plus facilement et ils auraient été yani, plus loin du mal. Et donc il dit il est obligatoire de remplir les cœurs par le bien et de les éloigner du mal. Il cite la parole d'un poète ou d'un poème qui dit j'ai connu, yani, si on traduit littéralement, peut-être ça va pas donner beaucoup de sens, mais c'est pour dire que, en voulant dire que lorsque le cœur de quelqu'un il est vide, hein, et qu'il n'a rien de, qui n'a pas connu la passion, eh bien, cette passion-là, elle rentre plus facilement dans son cœur, une fois qu'elle est rentrée, mais si c'était un cœur qui avait connu la vérité auparavant et qui était ferme, eh bien, elle n'aurait pas eu cette emprise-là sur son cœur. فيجب التنبه لهذه الأمور والمصيبة أن يسبق الشر إلى القلوب فيصعب انتزاعه من القلب فاحفظ أولادك واحفظ طلابك من وسائل الشر وما أكثرها اليوم وما أقل وسائل الخير فالخطر شديد الآن على شباب وشابات المسلمين لأن وسائل الشر قد انتشرت وصارت بأيديهم. Il dit les moyens du mal et les choses qui amènent le mal, il faut préserver nos cœurs de ces choses-là. Et il faut préserver nos élèves et nos enfants de ces différents moyens vers le mal aujourd'hui. Parce que c'est des moyens, comme on a parlé de ça au dernier cours, on a dit que c'est des moyens technologiques, mais yani, on peut en tirer profit, on peut les utiliser dans le bien. Sauf que la majorité des gens, quand ils utilisent ces appareils-là, c'est pas pour le bien malheureusement, c'est pour le mal. Et donc, si tu es capable d'en écarter tes enfants, eh bien c'est mieux et c'est préférable. Comme ça, Inch'Allah, ils vont être préservés du mal et ils vont grandir dans le bien. وأولى ما يعلمه الناصحون والمعلمون الدعاة إلى الله يعني أن يعتنوا بشباب المسلمين ويوجهوهم الوجهة السليمة ويبعدوهم عن المشاحنات والحزبيات. Donc il dit la meilleure chose que peuvent faire les gens qui appellent à Allah et qui éduquent les musulmans et qui les appellent à Allah, les enseignants et les professeurs, c'est de bien s'occuper des jeunes musulmans et de les orienter d'une manière qui est saine et de les éloigner des différentes formes de désordre, différentes formes de hizbiyat, c'est-à-dire les différents partis et les différents groupes de bid'ah. Tu les éloignes de ces choses-là et tu les préserves de ces choses-là parce que c'est des moyens vers la fitna. Hein? Et donc il faut vraiment faire attention par rapport à l'éducation des enfants. Il y a des gens, avant même d'avoir commencé à enseigner, hein, eh bien, il y en a ceux qui sont par rapport à ceux qui sont sur la sunna, avant d'avoir enseigné, ils avertissent avant d'avoir établi chez leurs élèves la science et les bases et la connaissance bénéfique. Donc on n'éduque pas quelqu'un uniquement en le mettant en garde de différentes personnes ou de différentes choses. On le met en garde premièrement en lui donnant la science bénéfique et en lui enseignant les principes et les bases de la religion pour qu'il soit capable d'avoir un fondement sur lequel il sera capable de discerner par la suite entre le vrai et le faux. Hein? Et il pourra utiliser ces connaissances-là pour se préserver lui-même. Mais si tu l'éduques uniquement en lui disant fais attention à ça, fais attention à un tel, fais attention à un tel, mais que tu lui expliques pas les bases de l'islam, mais que tu lui donnes pas une éducation sur les fondements de l'islam, il sera pas capable de comprendre de quoi il doit s'écarter par lui-même parce qu'il n'aura pas de base et de fondement. Tandis que les professeurs et les enseignants qui sont eux-mêmes sur des bid'ah ou sur des hizbiyin, sur la voie des hizbiyin et des égarés, eh bien malheureusement, eux, ils prennent leur temps pour mettre en garde contre les gens de la sunna et de leur dire, n'écoute pas un tel parmi les gens qui appellent à la voie des salaf, n'écoute pas tel savant parmi les ulama d'ahle sunna. Donc ils les éloignent des gens de la sunna, et le cheikh il fait référence à ceux qui sont en Arabie Saoudite par exemple, qui sont des professeurs dans les écoles musulmanes et qui s'écartent du programme de qu'est-ce qui est à enseigner dans l'éducation islamique pour justement y aller détourner les jeunes du droit chemin. Donc il dit ça c'est pas correct, hein? Ils doivent se concentrer à enseigner aux jeunes ce qui leur a été demandé d'enseigner et de ne pas les détourner et aller vers d'autres choses. Donc ça c'est très important. Et ensuite le cheikh il dit Anam liyarsakh fiha, c'est-à-dire pour que la science elle reste fermement ancrée dans le cœur des enfants. Yani il dit wa hadha shay'un mujarrab fama ta'allamnahu fi as-sighar نتذكره الآن. Cheikh Al-Fawzan il dit ce qu'on a appris quand on était petit, on s'en souvient aujourd'hui. Et imaginez le cheikh, il a presque 80 ans. Et il dit qu'est-ce que j'ai appris quand j'étais enfant, je m'en souviens encore aujourd'hui. Subhanallah. Donc il dit وما نقرأه الآن يطير بسرعة ولا يستقر لأن الكبير ليس كالصغير. Il dit qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui, hein? Aujourd'hui on lit quelque chose dans un livre et puis il s'envole vite. Hein? Il disparaît, on l'oublie tout de suite. Pourquoi? Parce que quand on est quand on est plus vieux, eh bien, on n'est pas comme quand on est plus jeune, on ne mémorise pas aussi facilement. لفاتورق الديانة الصحيحة. Il dit وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراد عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. أي نعم. Donc le cheikh il explique que il faut enseigner aux jeunes les règles de la religion, les enseignements de la religion, les règles de la charia, les limites de la charia, pour qu'ils soient satisfaits de ces principes-là. Donc si les enfants ils ne connaissent pas les principes de l'islam, ne connaissent pas les principes de la religion, comment ils peuvent être satisfaits de ces principes-là s'ils les ignorent? Donc ça c'est pas possible. وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْتَقِدَهُ مِنَ الدِّينِ قُلُوبُهُمْ. Et il faut leur enseigner également ce qui est obligatoire pour eux de croire, comme parmi les choses de la religion. Qu'est-ce qu'ils doivent accepter dans leur cœur? Et le cheikh il explique ça en disant فَتُرْقُ الدِّيَانَةِ الصَّحِيحَ مَا كَانَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِأَنَّ الدِّيَانَاتِ كَثِيرَةِ ولكن الديانة الصحيحة هي ما كانت على الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة فنرسخ هذا في قلوبهم ونحفظهم هذه الأصول وينشأ عليها. ويصيروا عليها إذا كبروا إذا كبروا يعني فتراض النفوس على الخير كما تراض الأبدان بأنواع الرياضة والمشي وغير ذلك. Donc là, il dit la bonne religion, la bonne compréhension de la religion, elle doit être basée sur le Coran et la Sunna. Parce qu'il y a plusieurs formes de religion, hein, mais la religion qui est authentique et qui est vraie, c'est celle qui est basée sur le Coran et sur la Sunna et ce sur quoi ce que les salafs de cette umma ont suivi. Et d'enraciner ça dans le cœur des enfants. Et de leur faire mémoriser les fondements de la religion pour qu'ils puissent grandir sur ces principes-là et les suivre lorsqu'ils grandissent. Hein? Et donc par la suite, leurs âmes va être satisfaite de ces principes-là et du bien et elle va l'agréer de la même manière que le corps accepte et est satisfait de différentes formes d'exercice lorsqu'elle fait du sport ou lorsqu'elle marche ou des choses de ce genre. Ensuite, le cheikh il dit أي يعلم الصغار ما يجب عليهم أن تعتقده قلوبهم من عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على الكتاب والسنة وسنة يعني على الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا من قول فلان وعلان وعلم المنطق وعلم الكلام والهديان بل التعليم يكون من كتاب الله وسنة ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سهل بإذن الله. Donc le cheikh il dit, donc les enfants ils doivent être enseignés et qu'est-ce que leur cœur doit accepter comme croyance parmi les croyances déjà de Ahl Sunnah wal Jama'a doit être basé sur le Coran et sur la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et non pas sur la parole d'un tel ou d'un tel. Hein? Donc on n'éduque pas les enfants sur les paroles déjà mais on les éduque sur les preuves et les textes de la religion, les textes authentiques, hein, des hadiths authentiques et des versets du Coran, et on les éduque sur ça. Et non pas sur la philosophie, hein, ilmul kalam, et ainsi de suite. Et les différents délires que certaines personnes suivent. En particulier, il y en a les différentes paroles des shuyukh soufis. Hein, il y en a chacun de ces shuyukh raconte des choses et subhanallah tu vois que yani c'est n'importe quoi, c'est basé sur aucune preuve. Donc il faut faire attention à ça. Et tu lis dans le livre des soufis et tu vois que ils écrivent des textes mais pas de preuves, pas de références du Coran et de la Sunna. Tandis que tu lis les livres d'Ahl Sunna et tu vois que c'est rempli de textes, rempli de références. Hein? Regardez Al-Usul al-Salata. Hein? À chaque page, il y a des dizaines de versets, de hadiths qui supportent chaque position et chaque point. Tout ça pour que la croyance de l'enfant soit basée sur des choses solides et des preuves de la révélation, et non pas d'éduquer les jeunes à suivre les paroles des gens, sans connaître les preuves qui sont derrière. Donc ça c'est très important. Il dit bal at-ta'lim yakunu min kitabillahi wa min sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça c'est très facile. Et il dit, il y a dans ça de la lumière et de la bénédiction et du bien. Mais l'apprentissage de la philosophie, hein, de la dialectique aristotélicienne, des débats, des argumentations, ça obscurcit le cœur. Ça ennoircit le cœur, ça obscurcit le cœur. Et ceux qui se sont spécialisés dans ces choses-là, eh bien, ils n'ont rien ramené de bien. Ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. بل إنهم في آخر حياتهم تمنوا أنهم لم يشتغلوا فيه. يعني beaucoup d'entre ces philosophes qui ont étudié la philosophie, hein, et qui ont cherché à comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur la rationalité, la logique, la philosophie grecque et des choses de ce genre, à la fin de leur vie, ils sont dans le doute, ils meurent dans le doute, hein. Et ça, il y a beaucoup d'entre eux même parmi les soi-disant philosophes islamiques ou parmi les soi-disant théologiens islamiques, eh bien, beaucoup d'entre eux ont avoué et admis au moment de leur mort ou avant leur mort, avoir gaspillé leur temps et avoir perdu leur temps dans la vie à chercher al-qil wal-qal. Hein? Allah al-musta'an. Donc, si vous retournez par exemple à différents livres comme le livre de l'imam Ibn Taymiyyah dans lequel il explique la fatwa al-Hamawiyya. Il mentionne au début, dans l'introduction, les poèmes des différents philosophes, hein, Ar-Razi, wa, yani, Ar-Razi et Al-Saharwardi et Al-Ghazali et d'autres également, qui ont fait, yani, beaucoup d'études de la philosophie, puis qu'à la fin, yani, ils ont regretté. Ils ont eu des remords et même à la fin, ils ont eu des doutes. Yani, je ne me rappelle plus c'est lequel des ulama, c'est peut-être Ibn Taymiyyah qui a dit yani, Ahlul Kalam, yani, Aktharu Shakkan and al-Maut. Aktharu Shakkan, Aktharu Nasi Shakkan and al-Maut, Ahlul Kalam. C'est-à-dire les gens de la philosophie, hein, ce sont eux qui, au moment de la mort, ont le plus de doutes dans leur foi. Allah al-Musta'an. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de fermeté et de certitude dans leur religion. Donc il faut se baser sur yani, l'étude basée sur les preuves et les textes. Et donc il dit que c'est ça, ils ont gaspillé leur vie et ils n'ont pas pris yani, leur science de la science des salafs. Donc c'est pour ça qu'ils se sont égarés. Après il dit le cheikh wa ta'mal bihi jawarihuhum fa innahu ruwiya anna ta'lim as-sighar li kitab Allah yudfi ghadab Allah wa anna ta'lim ash-shay fi as-sighar kan naqsh fi al-hajar wa qad mathaltu laka min dhalika ma yantafi'una in sha Allah bi hifdhihi wa yashrafuna bi 'ilmihi. Donc le cheikh il dit que non seulement leur cœur doit les accepter ces croyances là mais également bien entendu leur corps comme on l'a mentionné précédemment également, et il explique que il a été rapporté que l'enseignement des enfants lorsqu'on leur enseigne le livre d'Allah ça atténue la colère d'Allah. Et que l'enseignement de quelque chose à des enfants lorsqu'ils sont petits, c'est comme si on avait gravé sur une pierre. Hein? On gravait sur une pierre. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit donc que l'action, quand on parle de l'action, le fait d'appliquer la religion, c'est pas juste la, quand on dit l'action avec le corps, mais c'est pas juste avec le corps en réalité, mais c'est tout ce qui est dans le corps également. Donc il donne l'exemple. Il dit Al-Amal, Amalul Qulub, Awalan. ثم عمل الجوارح فالعمل على قسمين عمل القلوب من خشية الله والخوف منه والرغبة إليه ومحبة الله وعمل الجوارح تابع لعمل القلوب كالصلاة والصيام والحج والجهاد إلى آخره. Donc l'action c'est deux catégories, l'action du cœur et l'action du corps. L'action du cœur, par exemple, c'est les actions du cœur comme la crainte d'Allah. Hein? Le fait d'avoir peur de désobéir à Allah et de son châtiment. Et l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'espérer en Allah, subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Ça, c'est les actions du cœur. Comme par exemple, at-tawakkul. Tawakkul ala Allah. Le fait de mettre notre confiance en Allah, ça c'est une action du cœur aussi. Et une action du corps, comme par exemple la salat, puisque quand on prie, on fait les actions du cœur, du corps et de la langue. Trois ensemble. Le jeûne également, le hajj aussi, le jihad, tout ça c'est des exemples d'adorations qui sont faites avec des actions qui sont des actions du cœur et des actions du corps. Mais en particulier des actions du corps et du cœur. Parce que, en fait, le cheikh, il dit que les actions du corps suivent les actions du cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse le corps à faire les actions? C'est les actions du cœur. L'amour, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, tawakkul. Lorsque ces choses-là sont dans le cœur, elles vont faire en sorte que le corps va réagir. Et que le corps va mettre en application, hein, ces actions-là. Après le cheikh il dit wa qawluhu fa innahu ruwiya ay an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam anna ta'lim as-sighar li kitab Allah yudfi'u ghadab Allah wa kalimat ruwiya tadullu ala at-tad'if fa huwa hadithun da'if walakin ma'nahu sahih fa Allah yarda an tu'allam aw an nu'allim sigharana al-Qur'an wa hadhihi al-muqaddimah tarbawiyyah تتضمن قواعد التربية الصحيحة لا التربية الغربية التي ينادي بها العلمانيون الآن. Donc le Cheikh il dit, il a été rapporté, et souvent quand on mentionne qu'il a été rapporté, hein, on ne dit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dit il a été rapporté, c'est pour indiquer que la parole en question ou le hadith en question est faible. D'accord? Donc on ne l'affirme pas, mais on le mentionne à la forme passive, pour faire comprendre que yani, c'est quelque chose qui a été attribué au messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'est pas authentique. Donc quand les ulama utilisent la forme ruwiya, hein, ça veut dire il a été rapporté, et donc ça veut dire que souvent ça veut dire que ça c'est pour quelque chose qui est daif. Et le cheikh il dit, donc ça c'est un hadith daif, que lorsque on enseigne les enfants le livre d'Allah, ça atténue la colère d'Allah, ça c'est un hadith daif, sauf que la signification de cette parole est vraie, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous lorsque nous enseignons aux enfants le Coran. Et il dit que ça c'est une introduction yani, par rapport à l'éducation islamique. Et dans cette introduction que le cheikh a fait, eh bien ça comprend certains principes et certaines règles de l'éducation qui sont yani, l'éducation islamique qui est l'éducation correcte et authentique, et non pas l'éducation occidentale à laquelle les laïcs appellent aujourd'hui. D'accord ? الشيخ يقول ensuite ويقول لشيخه وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون ان شاء الله بحفظه. Donc il dit j'ai écrit yani dans ce livre qu'est-ce qui sera bénéfique pour eux et qu'ils pourront mémoriser, yani ça sera bénéfique pour eux et ils vont en profiter en le mémorisant. Yani ذكرت في هذه الرسالة أو ذكرت في هذه الرسالة وفي مقدمتها ما إذا حفظه الطلاب وفهموه فإنهم ينتفعون به وينالون به شرف العلم والعمل والسعادة إذا اعتقدوه وعملوا بموجبه بخلاف كتب العقائد الفارغة من بيان اعتقاد السلف كعقائد المتكلمين المتكلفين. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Abi Zayd il dit ici, c'est comme s'il mentionnait que ce que j'ai mis dans cette introduction, si les enfants le mémorisent et qu'ils le comprennent comme il faut, ils vont en profiter et ils vont pouvoir obtenir par cela la noblesse de la science et de l'application et le bonheur, s'ils ont réellement cru en ce qui est écrit dedans et s'ils l'ont réellement mis en application. Contrairement aux livres des gens de Bid'a, parmi les gens de Kalam, qui ont écrit des livres de croyances qui sont vides et qui ne contiennent pas la aqida des salaf. Hein? Ensuite, le cheikh il dit وَقَدْ جَاءَ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد. Donc le cheikh il dit, et ils ont été ordonnés d'établir la salat à l'âge de 7 ans. Les enfants, à l'âge de 7 ans, ils ont été ordonnés d'établir la salat, et qu'à l'âge de 10 ans, s'ils n'ont pas commencé à la faire, eh bien ils doivent être frappés ou punis, hein, lorsqu'ils refusent. Et on doit les séparer des lits, c'est-à-dire on sépare les garçons des filles, hein, dans les lits à cet âge-là. Et il dit que également il faut leur enseigner ce qui est obligatoire pour les serviteurs, c'est-à-dire ce que Allah a rendu obligatoire pour eux. Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit Mouru awladakum yani ay as-sighar mujarrad amr, hein? Donc les enfants, tu leur ordonnes seulement de prier. Tu dis prier, hein, quand ils ont 7 ans. Vous dites prier, faites la salat. Et après le cheikh il dit, يعني مجرد أمر بالصلاة وهم أبناء سبع سنين لأن ابن سبع ميز, hein, ميز وعرف. Un enfant lorsqu'il a 7 ans, il n'est pas pubère encore, hein? Mais il est capable de distinguer entre les choses et il est capable de comprendre certaines choses. Et donc il arrive à l'âge où il comprend, quand tu lui dis la salat, il sait ce que c'est et il comprend pourquoi on prie, hein? Il veut comprendre pourquoi on prie. Et donc à cet âge-là, tu commences à lui ordonner de faire la salat. Et il dit وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ أي إذا تكاسلوا عنها وهم في سن العاشرة لأنه حينئذ إما مراهق وإما قد بلغ الحلم يعني بلغ الحلم فيضرب عليها Donc le cheikh il dit si ils arrivent à l'âge de 10 ans et qu'ils sont paresseux de l'affaire ou qu'ils refusent de l'affaire, alors vous les punissez, hein? Vous les punissez à l'âge de 10 ans. Parce qu'à 10 ans, ils sont soit pubères, hein, ou bien ils arrivent à l'adolescence, ils commencent à être pubères. Amma at-tifl as-saghir idha taraka as-salah fala yudrabu li'annaha la tajibu alayhi. Mais le petit enfant, s'il ne fait pas la salat, il ne doit pas être frappé. Il ne doit pas être puni. Hein, s'il est plus bas que 7 ans, hein, s'il n'a pas 10 ans, vous ne le frappez pas. Hein? Parce qu'il est trop petit encore. Hein, il ne comprend pas. Et en plus, ce n'est pas obligatoire pour lui. Mais, par contre, ça ne veut pas dire qu'on le laisse complètement. Non. On l'éduque. Et on lui explique et on lui apprend l'importance de la salat et ainsi de suite. Ensuite, il dit et séparer les garçons et les filles dans les lits. Là, il y a trop courum yanam ou bardohum il a jambi bard. Et même les garçons aussi. Et vous les séparez. Mais en particulier les garçons et les filles. Il dit khashat al iftitan fi dabib al shahwati baynahum wa shaitan yuzayinu lahum dhukuran wa inathan. Fa dhukuru ma'a dhukuru, c'est ça. Les garçons avec les garçons. On ne les laisse pas dormir les uns collés sur les autres. فلا يترك البنت تنام مع البنت ولا الذكر مع البنت مباشرة. Donc tu ne laisses pas les filles coucher ensemble dans le même lit collé, ni les garçons avec les filles ensemble directement à partir de cet âge-là. Il faut les séparer dans les lits. Et ça c'est par crainte de la tentation et de la fitna. Donc il ne faut pas négliger les enfants. Il ne faut pas négliger les enfants. Le cheikh il dit فهذه ثلاثة مسائل مهمة. الأول يؤمرون بالصلاة مجرد أمر. Donc on leur ordonne de faire la salat à l'âge de 7 ans. Et pour eux ça va être une nafila parce que c'est pas obligatoire. Ça va être une prière surrogatoire pour eux parce que c'est pas obligatoire. Et si ils la laissent ou s'ils ne la font pas, on ne les frappe pas, hein, parce qu'ils n'ont pas encore 10 ans. Et yani, ils n'ont pas abandonné une obligation pour eux puisque ce n'est pas obligatoire, donc ils ne doivent pas être frappés à cet âge-là. Donc si on leur ordonne de faire la salat, eh bien ça implique qu'on doit également leur enseigner le wudu, comment le faire pour faire la salat. Donc à partir de 7 ans, on doit commencer à faire ces choses-là. Et le cheikh il dit ensuite, et lorsqu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, eh bien ils doivent être punis s'ils ne la font pas. Hein? Donc c'est soit qu'ils ont atteint la puberté, ou bien ils sont proches de la puberté. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'ils doivent être punis s'ils ne la font pas, parce que il commence à être responsable. Parce que l'âge de la puberté dans l'islam, c'est l'âge à laquelle l'enfant devient responsable et Allah va le juger, va lui demander des comptes, hein, s'il ne fait pas les obligations. Et le troisième point, c'est que s'ils ont atteint l'âge de 10 ans et qu'on craint qu'ils commencent à ressentir du désir ou des choses de ce genre, eh bien, il faut bien entendu les séparer des lits pour pas qu'ils soient collés. Et ça c'est une des preuves de l'interdiction de la mixité entre les hommes et les femmes. Et ça c'est une chose, et il faut enseigner ça aux musulmans, l'importance de ne pas yani, faire de la mixité entre les hommes et les femmes, et c'est-à-dire que les musulmans doivent apprendre à faire une séparation entre les hommes et les femmes qui ne sont pas des maharim. C'est-à-dire un mahram, c'est pour une femme, un mahram c'est un homme qu'elle n'a pas le droit d'épouser à cause des liens de sang qu'il y a entre eux. Donc, à partir du moment que quelqu'un n'est pas un mahram pour toi, eh bien, tu dois adopter le hijab vis-à-vis de cet homme et te couvrir devant, la femme doit se couvrir devant cet homme-là parce que c'est un homme étranger. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens ont, disons, pris l'habitude dans les coutumes de leur pays de ne pas prendre ça au sérieux ou bien de laisser les choses aller et de prendre ça à la légère. Et donc tu vois que il y en a par exemple au Mali puis dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, parfois on voit que les questions de mixité entre hommes et femmes c'est un petit peu négligé. Donc il faut faire attention à ces choses-là parce qu'il peut y avoir des tentations, hein, il peut y avoir de la fitna entre les hommes et les femmes, et on est des êtres humains, hein. Et donc si une femme, et en particulier si c'est une femme qui est attirante et qu'elle est belle, hein, et qu'elle s'assoit, hein, avec des hommes, peut-être que certains hommes ils font semblant qu'ils ne sont pas attirés ou qu'ils ne sont pas affectés par cette femme, mais personne ne peut nier la réalité parce qu'on est des êtres humains. Et Allah, il sait qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux femmes de se voiler et de couvrir leurs atours, et qu'il a ordonné aux hommes de baisser le regard et aux femmes de baisser le regard, tout ça, c'est des choses qui sont mentionnées dans le Coran et qui sont claires dans l'islam. Mais, bien entendu, lorsqu'on voit que dans la société ces choses-là ne sont pas mises en pratique, eh bien il faut qu'il y ait une éducation, hein? Il faut que les musulmans soient éduqués sur ça, et il faut leur expliquer doucement et avec sagesse pour que petit à petit on commence à mettre ces choses-là en application dans nos maisons. Et chacun doit commencer par sa propre maison, et avec sagesse et avec patience et avec douceur il enseigne ses sœurs, il enseigne sa mère, il enseigne ses proches, il leur explique ces règles-là. Et des fois, quand quelqu'un a compris l'importance des règles de l'islam et qu'il veut s'accrocher à la sunna, et il essaie de respecter ces principes-là dans la société, alors que beaucoup de gens dans la société sont un petit peu laxistes, eh bien, la réaction des gens, c'est comme pour dire « Ah, toi tu es trop extrémiste » ou « Toi tu exagères ». Hein? Mais il faut être patient avec les gens, et puis il faut leur expliquer avec douceur, avec gentillesse et avec sagesse, en leur donnant les preuves, en leur expliquant les principes de l'islam et les principes de la sunna, et leur mentionnant les hadiths et les versets qui parlent de ce sujet-là. Et on invoque Allah pour eux en même temps, pour que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre leur cœur et qu'ils soient plus réceptifs à comprendre ces principes de la religion et à commencer à essayer de les mettre en application. Si des Français, de souche, des gens qui sont français, de parents français, blancs, en France, sont capables d'appliquer ces principes-là, alors qu'ils viennent de se convertir à l'islam, mais qu'ils respectent ces choses-là dans leur maison, eh bien pourquoi, nous, dans nos pays, alors qu'on est musulman depuis des générations, pourquoi on ne serait pas capable de se réformer et puis d'essayer de faire des efforts justement pour vivre selon nos principes, et pour pas que ces principes-là soient juste des choses qu'on dit ou qu'on répète avec la langue, mais que ce soit quelque chose qui est vivant dans notre vie et qu'on applique concrètement dans notre façon de vivre. Donc ça, c'est très très important. Et il dit ensuite le cheikh, donc on a parlé de la question de la mixité. Ceux qui veulent avoir plus de détails ou d'explications sur la mixité, sur mon site Salafi de Montréal, j'ai traduit des preuves au sujet de l'interdiction de la mixité pour clarifier ces choses-là. Donc je crois que ça s'appelle les preuves de l'interdiction de la mixité. Et vous pourrez le retrouver facilement dans un document PDF qui est sur le site. Ensuite, le dernier point que le cheikh il explique, il dit يعني أن ولا يقتصر على أمرهم بالصلاة وعلى التفريق بينهم في المضاجع يعني وضرب من ترك الواجب منهم بل يعلمون أيضا بقية أمور الدين من الحلال والحرام والأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة بطريقة مختصرة فيعطون نموذج من أمور الدين والآداب والأخلاق فينهون عن القول المحرم وعن الشتم والسباب والغيبة والنميمة وكذلك من فعل المحرم كالسرقة وأخذ أموال الناس والخيانة فيربون على الاستقامة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم وتعاملهم مع الناس. Donc le cheikh il dit en même temps on leur ordonne pas seulement de faire la salat hein, et de les séparer dans les lits, mais également yani, on leur enseigne les autres aspects de la religion et les autres règles de la religion aussi. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, le bon comportement, yani, le mauvais comportement. C'est-à-dire on leur explique le bon comportement et le mauvais comportement pour qu'ils soient capables de distinguer entre les deux et de savoir la différence. Donc il dit ça c'est un bon comportement et ça c'est un mauvais comportement. Et bien entendu on leur enseigne le comportement yani, par rapport aux règles de l'islam et aux principes de l'islam avec les preuves yani, de l'islam. Et également on leur enseigne yani, tout ça en résumé. Parce que ce sont des enfants. On ne va pas entrer dans les explications très détaillées parce que ce sont des enfants. Donc il faut respecter leur âge. Et on leur donne des exemples des différents ordres de la religion et des règles et des comportements et de la bonne conduite. Et on leur interdit également les paroles interdites. Hein? On leur interdit les injures. Les mauvais mots, hein, les gros mots, les jurons, on leur interdit les insultes. On doit également leur enseigner de ne pas parler dans le dos, de ne pas colporter des rumeurs ou des paroles, des propos dans le dos des gens ou bien de dire des rumeurs à leur sujet. Et de faire des choses haram, on leur interdit aussi de voler, de prendre l'argent des autres, de tricher ou de trahir les autres. Hein, ça aussi, tout ça c'est des choses sur lesquelles on doit éduquer nos enfants pour que leur religion soit droite, pour qu'ils aient une bonne éducation et un bon comportement et une bonne façon d'agir avec les gens. D'accord, ça c'est très très important dans l'islam, on le sait. Et il dit « وَمِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ قَبْلَ بُلُورِهِمْ لِيَأْتِي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك في قلوب من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. Non. Donc tout ça, le cheikh il explique que yani, les paroles et les actions de la religion, il faut leur enseigner avant qu'ils atteignent la puberté. Une fois qu'ils ont appris ça avant la puberté, eh bien ça va rester ferme dans leur cœur et dans leur âme, ils vont être en paix par rapport à ces choses-là. Et yani, leur corps même vont être habitués à le mettre en application. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a clarifié ça, il a ordonné des choses au cœur, au corps, et yani, on les a mentionné ces choses-là tout à l'heure. Maintenant, le cheikh il dit هذه النتيجة من تربية الذين دون البلوغ أنهم إذا بلغوا وهم قد يعني ربوا على هذه الفضائل سهل قيادهم واستمروا على هذه المعلومات القيمة يعني ونمت عندهم وزادت لأنهم مثل الغرس، فالغرس ينمو شيئا فشيئا ويكبر ويثمر فيما بعد. وهذه هي التربية الصحيحة، فنحن نأخذ أصول تربيتنا من ديننا، لا نأخذها من الغرب ومن تربية الغرب، لأنها لا خير فيها. Donc le cheikh il explique que c'est ça le résultat de l'éducation des enfants avant la puberté. Lorsqu'on leur enseigne ses mérites et ses bonnes actions et ses choses méritoires, eh bien après c'est facile de les orienter et ils vont continuer sur ces bonnes connaissances-là par la suite, et ils vont grandir là-dessus et ça va même augmenter. Hein? Tu vois par exemple une jeune fille, quand elle était petite, elle a été éduquée par sa mère, par son père, aux bonnes valeurs, aux bons principes, aux bonnes morales, aux bons comportements. Plus tard, elle grandit et elle-même, elle agit comme ça. Hein? Parce que, en réalité, l'attitude et l'éducation qu'on reçoit de nos parents, c'est ça la plus importante. C'est ça la plus importante des éducations. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui va rester tout au long de notre vie. Même plus tard, quand on va devenir des adultes, hein, quand on devient des adultes, eh bien, on continue à avoir le comportement et l'éducation qui nous a été donnée par nos parents. Et ces choses-là restent en nous tellement profondément que, on s'en aperçoit pas parfois. C'est-à-dire, on réalise même pas nous-mêmes que ces choses-là, elles sont devenues une partie de notre personnalité et de notre tempérament. Donc c'est très très important dans l'enfant de bien l'éduquer depuis qu'il est tout petit. Et donc on prend notre éducation de notre religion et non de l'Occident et de ce qu'il ramène, parce que dans cette forme d'éducation-là, il n'y a rien de bon pour nous. Et pourtant, tu vois que dans les pays musulmans, parfois, il y a des musulmans qui prennent les Koufar de l'Occident comme des modèles pour l'éducation. Et j'ai rencontré des musulmans comme ça, malheureusement, subhanallah, dans différents pays, comme quand j'étais en Jordanie par exemple. Je me rappelle une fois, j'étais dans un moyen de transport, on avait pris un moyen de transport public, et il y avait un homme avec sa femme et leur enfant, et il disait à leurs enfants, il faut que tu sois comme les Occidentaux, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, hein, comme si c'était ça le bon mode de vie, hein, la bonne façon d'être. Et beaucoup de musulmans, malheureusement, sont influencés par l'Occident dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser, dans leur façon de parler, et ils pensent que pour être évolué, pour être moderne, pour être quelqu'un de bien, il faut vivre comme les Occidentaux, parler comme les Occidentaux, bouger comme les Occidentaux, penser comme eux, s'habiller comme eux, hein, marcher comme eux. Et donc, ça c'est quelque chose de très dangereux, très grave. Parce que quelqu'un qui fait ça, avec le temps, eh bien, il risque même d'avoir les mêmes croyances qu'eux et de tomber même dans leurs égarements. Dans leur religion. Et donc c'est très très important de ne pas les imiter, de ne pas porter des vêtements qui leur sont spécifiques à leur croyance, spécifiques à leur religion, spécifiques à leur pratique. Hein? De ne pas mettre des croix dans nos maisons ou sur nos commerces, hein, ou des choses de ce genre. Parce que ça c'est la religion des chrétiens. De ne pas porter des symboles sur nos vêtements qui représentent les croyances des koufars, de ne pas les imiter, de ne pas suivre qu'est-ce qu'ils font de haram dans leur mode de vie, et d'enseigner ça à nos enfants, ça c'est très important. فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَلَى اللِّسَانِ الْأَذْكَارِ الأفكار الشرعية من تلاوة القرآن، فهذا عمل اللسان، وفرض على القلب العمل أيضا، فالقلب له عمل، وهو خشية الله ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، فهذه أعمال قلبية وكذلك فرض على الجوارح وهي يعني الأعضاء أعمالا وتأديها وتؤديها يعني وهي الأعمال الظاهرة من الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله. وعمل القلب الاعتقادات وهي الإيمان بالله والخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة. Et donc c'est ça, le cheikh il explique que Allah nous a ordonné des rappels, des adhkar, qui sont des adorations qu'on fait avec la langue, et la récitation du Coran aussi. Et donc tout ça c'est des actes qu'on fait avec la langue. Et il a ordonné également des actes qu'on doit faire avec le cœur. La crainte d'Allah, l'amour d'Allah, mettre notre confiance en Allah, se repentir à Allah, tout ça c'est des actes du cœur. Et il y a des actes du corps aussi qu'on doit faire, qui sont apparentes, comme par exemple le recours, sujoud, hein, la prosternation, l'inclinaison, le djihad, fisabilillah, tout ça c'est des actes d'adoration. Et comme je disais aussi, le djihad c'est pas juste de combattre les ennemis de l'islam, hein, pour élever la parole d'Allah, mais même chercher la science de l'islam, ça fait partie du djihad. D'étudier la religion, ça fait partie du djihad. Et de propager la religion d'Allah, ça fait partie du djihad. D'appeler à l'islam, ça fait partie du djihad. Et tout ça, c'est des formes de djihad, fi sabilillah. Et donc, il faut ne pas négliger ça. Et ceux qui disent, oh, à notre époque, les gens ont abandonné le djihad, c'est pas vrai. Parce que peut-être qu'on n'est pas capable d'appliquer certains aspects du djihad, comme le djihad armé contre les ennemis, puisque si on n'a pas la force nécessaire ou la capacité suffisante, eh bien dans ce cas-là, on est excusé. Mais par contre, il y a d'autres formes de djihad qu'on est capable de faire et qu'on peut faire. Hein? Et donc ce djihad-là, il continue. Le fait d'appeler à Allah, de réfuter les fausses croyances, de réfuter les innovations, d'appeler à la sunna, hein, tout ça c'est des exemples de djihad fi sabilillah. Et c'est dans le but d'élever la parole d'Allah, hein. Et les gens qui font ce djihad là c'est les ulama et les tullab al-ilm, hein. Donc c'est un djihad très important, il ne faut pas le négliger. Et parfois même c'est un djihad plus important même que le djihad avec les armes, hein, puisque tu peux avoir des armes et arriver à faire certaines choses, mais qu'est-ce qui fait que la foi va rentrer dans le cœur des gens et que la compréhension va être propre et saine? Eh bien, c'est la clarification de la foi, l'explication des règles de l'islam, la réfutation des égarements et des ambiguïtés et des doutes. Et pour faire ça, il faut de la science, hein? Et donc, c'est un djihad très important parce que, yani, tu défends la foi d'Allah, la religion d'Allah et la foi en l'islam dans le cœur des hommes. Ensuite, le cheikh il dit, فالشيخ رحمه الله لم يذكر أعمال اللسان من الأذكار لأنها داخلة في أعمال الجوارح لأن اللسان جارحة من الجوارح. Donc le cheikh il n'a pas mentionné les rappels avec le dhikr et la langue. Pourquoi? Parce que ça rentre dans les actions du corps aussi. Certaines personnes disent, bon, les actes du corps et les actes de la langue, le fait de parler, c'est une action. C'est une action du corps aussi. Donc, il ne le mentionne pas séparément. Mais sinon, il y en a des ulama qui les mentionnent séparément. Et donc, ça revient au même. Et il dit, فَهَذِهِ أَعْضَى تُكْسَبُ صَاحِبُهَا إِمَّا خَيْرًا وَإِمَّا شَرًّا. Hein? Donc, les actions que tu fais avec ton corps, tu peux faire du bien, tu peux faire du mal. Hein? Et c'est pour ça qu'on appelle le corps en arabe جَوَارِحْ مِنَ الْإِجْتِرَاحْ وَهُوَ الْإِكْتِسَابِ. C'est-à-dire le fait d'acquérir, hein, d'acquérir des choses. Donc tu peux acquérir avec ton corps le bien ou tu peux acquérir le mal. Et Allah il dit justement à ce sujet, comme, par rapport à cette signification-là, le verset 21 dans sourate Al-Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ. Donc جَوَارِح, le verbe اجْتَرَحُوا, ça vient de جَوَارِح. Et jtarahu, c'est-à-dire ils ont acquis, hein, ils ont fait des mauvaises œuvres. Fa amalul jawarih هو ما يظهر من حركاتها وسكناتها وتصرفاتها إما في الخير وإما في الشر. فالإنسان إذا تأملته كله تجد يشتغل ظاهرا وباطنا ولا يبقى شيء منه معطلا، وعمله راجع إليه، يعني إن كان صالحا رجع على الخير، وإن كان شيء سيئا رجع عليه بالخسارة. Donc, ton corps, ça comprend tout ce qui est apparent, des mouvements, des moments d'immobilité et les actes que tu fais, les actes et les comportements. C'est soit que tu fais du bien ou soit que tu fais du mal. Et donc, l'homme est toujours occupé à faire quelque chose et à travailler. Hein? Tu restes jamais immobile ou sans rien faire. Et donc, tout ça, ça revient... Yani, à dire que si tu fais du bien, ça va être du bien, et si tu fais du mal, ça va être du mal. Et pour terminer, donc on va terminer avec ce point-là, le cheikh il dit, il s'adresse à son l'imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit wa ufassil laka ma sharattu laka dhikruhu baban baban li yaqrub min fahm al-muta'allimin متعلميه إن شاء الله وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc il dit, et j'ai clarifié cela pour toi et j'ai établi les conditions de ce que j'ai mentionné chapitre après chapitre pour que ce soit plus facile à comprendre pour celui qui l'étudie. Et Inch'Allah, et il dit, c'est à Allah qu'on demande de nous aider à faire le bon choix, et c'est à lui qu'on demande de nous aider, et il n'y a pas de force ni de mouvement accepté par Allah, le très haut, le très grand, et paix et salut sur notre prophète Mohammed, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille, ses compagnons, hein. Et ensuite, donc le cheikh Al-Fawzan, il commente sur ça, et il dit que le cheikh, il s'adresse à son professeur et c'est celui qui lui a demandé d'écrire ce texte, et il mentionne yani qu'il a divisé son livre en différents chapitres pour faciliter et aider la personne qui veut étudier ce livre-là à le comprendre chapitre par chapitre, étape par étape. Parce que sinon, si c'était un seul texte sans aucune séparation, sans aucune division du début à la fin, eh bien c'est quelque chose dans ce cas-là qui devient trop lourd et trop difficile. Mais quand tu divises le livre en différents chapitres avec des différentes parties, eh bien ça allège l'apprentissage et ça rend l'affaire plus intéressante. Et donc il a fait ça dans le but en espérant le bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il demande à Allah de l'aider dans ce travail, et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala dans la force et dans le mouvement, et il remet tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala, et il termine cela en envoyant le salut et la paix et la bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses nobles compagnons, et puis il rentre par la suite dans les détails de la question. Et donc c'est ça ce qu'on va expliquer dans les cours qui vont suivre. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'était seulement l'introduction du livre, d'accord. Donc, Inch'Allah, on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.